Il était une fois un brave homme qui, se faisant un peu vieux, s'était dit, écoutant son cœur, qu'il était temps de penser à lui et que la compagnie d'une basse-cour lui ferait le plus grand bien. Depuis longtemps, les gros oiseaux, avec leurs démarches chaloupées et leurs bavardages excessifs, l'attiraient. Alors pour eux et aussi pour lui, il se mit à délimiter un vaste enclos dans son jardin. Quand il fut d'avis que ce territoire était suffisamment grand, il s'en alla chercher coq et poule au marché et les libéra fièrement. Lorsqu'il avait été vraiment certain que les animaux se plaisaient sur ce beau terrain ombragé, à flanc de colline, il avait agacé sa femme en lui répétant « Regarde-les courir, vivre et picorer, ça fait plaisir, non ? Plaisir de quoi ? » répétait-elle en haussant les épaules. Puis, il était allé chercher une canne et sa couvée de caneton, une oie avec ses petits oisons et une troupe de jeunes pintades au regard affolé. Cette cohorte de petits êtres absorba toute son attention. Il fallait de la paille, de la chaleur, de la fraîcheur, de l'eau claire, les meilleurs grains, des feuilles de salade. Marius agaçait toujours sa femme en lui répétant « Regarde-les courir, vivre et picorer. Ça fait plaisir, non ?»« Plaisir de quoi ?» répétait-elle en haussant les épaules. « Les approcher m'aide à faire silence en moi et à me faire confiance. C'est surprenant. » « Tu te distingues de tes poulets quand même. Dans une lecture de moi dans le monde ?»« Arrête-toi, je t'en prie. » Lui s'émerveille des dandinements, des courses. Il aime l'indiscipline de ses oiseaux. Mais il admire aussi la manière dont ils rangent si délicatement et si promptement leurs ailes. Ainsi se trouve démultiplié le plaisir de sa propre vie. Il sent la force d'une coïncidence heureuse entre son état de vieil humain et son pouvoir de donner de la joie aux oiseaux. Et cela d'une façon si ordinaire. Ensemble, comme lui, ces créatures existent, s'occupent, profitent du ciel, du soleil, du vent. Le temps passe. Le ciel apporte de nouvelles lumières et chaque jour, dans son jardin, Marius lance un regard sur le monde qui lui revient avec délices. Mais Simone, sa femme qu'il aime tendrement depuis longtemps, commence à lui parler de rentabilité. Renta quoi ? Rentabilité ! Les grains, ça coûte. Ton grillage aussi, il a coûté. Pourquoi tu ne me réponds pas ? Sais-tu seulement que certaines de tes poules sont déjà bonnes à manger ? Alors, la casserole, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Et l'engraissement forcé des oies et des canards, je voudrais bien le commencer. Sans foie gras pour le réveillon, de quoi j'aurai l'air ? Encore ton besoin de foie gras ? Mais c'est terminé, ça ! Tu ne vas pas recommencer, tu n'y penses pas ! Jamais, ma chérie, plus jamais ça ! Lui disait-il chaque jour, comme pour s'excuser, au moment de quitter la maison pour aller rejoindre ses amis. À quelque temps de là, vers la fin d'une matinée, en se rendant dans sa basse-cour, notre vieil homme ne vit pas Clarisse, une bonne petite oie, une douce, qui s'accroupissait dès qu'une ombre s'approchait d'elle. Il se mit à sa recherche. Inquiet, il se dit que sa femme était bien capable de venir discrètement attraper la belle et peut-être même de lui enfourner son entonnoir dans le gosier pour l'obliger à manger jusqu'à tomber malade. Il connaissait, hélas, le foie gras qui représente tant de peur et de douleur. En cherchant partout, il s'aperçut bientôt qu'il était suivi par une ombre. En se retournant, il vit une grande bête blanche. C'était la merroie qui s'approchait ouvrant les ailes, le cou exagérément tendu vers lui. Elle siffla « Marius, va chercher la clé de la cave. » « Mais vrai, oie, voilà que tu parles ?»« Oui, rien de sensationnel à ça. Tu me comprends, rien de plus. Va donc chercher la clé et reviens. » Marius s'exécuta et revint bien vite. Il était heureux de cette parole. Il se dit « Quel accord ça va nous donner ? Elle me dira ce qui lui est nécessaire, à elle et aux autres. Et j'apprendrai d'eux. J'apprendrai. » Tous les deux s'accordèrent déjà dans la recherche de Clarisse. Rapidement, Ils la retrouvèrent terrifiée et sans force, retenue dans une cage derrière un tonneau de la remise. Loi siffla doucement pendant que Marius portait la petite très délicatement. Dès qu'il put la poser sur l'herbe de l'enclos, elle retrouva sa liberté, mais sans pouvoir tout à fait marcher. « Hé, Loi, qu'est-ce que je vais dire à ma femme ?» demanda Marius. « Tu lui diras. »« Je lui dirai. »« Oh, tu ne lui diras rien. Rien du tout. Parfois, à quoi bon parler ?»« La solution, il faut la trouver en soi. » Vous, les humains, vous comptez toujours sur les autres. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir si ma Clarisse n'a pas l'œsophage fissuré. Oh ! Faut ouvrir les yeux, Marius. Un entonnoir, à ton avis, ça fait quoi dans une gorge ? Ah, tais-toi, c'est horrible ! Je vais empêcher ça, mais c'est bien embarrassant. Qu'est-ce que je vais dire pour ne pas fâcher ma Simone ? Embarrassant d'empêcher ça. J'aime ma femme, j'aime ma basse-cour. Et ma femme veut maltraiter et tuer ma basse-cour. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah oui, les humains, vous voulez toujours que les contradictions s'aplatissent, disparaissent. C'est d'ailleurs ça qui vous pousse à mentir. Et vos solutions, on les connaît. C'est toujours d'exploiter les autres, les animaux en premier. Marius ne sut que répondre. Ce soir-là, la lune était superbe. Mais au lieu de tranquillement la contempler, Loi et Marius devaient réfléchir. C'est Loi Blanche qui les sortit tous deux du silence en déclarant doctement « Dans la vie, c'est toujours la même chose. »« Ah bon ? C'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire, Loi ? Il faut gagner du temps sur la mort. »« Comment on gagne du temps ? » répétait anxieux Marius. « Gagner du temps, dit l'animal en allongeant son joli cou, pour ne pas passer à la casserole. Oh, je crois savoir. Il faut devenir indispensable. Indispensable, si tu vois ce que je veux dire. Au moins jusqu'au lendemain. Ah bon ? Scheherazade, les mille et une nuits, Marius, tu connais ? Non. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, Marius ? Scheherazade, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque soir, il faudra que tout le monde fasse l'intéressant ou l'intéressante pour survivre. Survivre. Mais ça veut dire quoi, en somme ? Intéressant, ça veut dire spectaculaire. Un spectacle. Tiens, oui, un spectacle. Si c'est ça, Loi, bonne idée. Demain, des clous, des planches, je construis une estrade. Le lendemain, dès l'aube, Marius commença les travaux de ce qui devint un théâtre champêtre. Et puis, il y eut au sein de la basse-cour toutes sortes de discussions pour se mettre d'accord et toutes sortes de tractations pour mettre au point des numéros de spectacle auxquels seraient conviés tous les voisins, herbivores ou pas. En quelques jours, on se mit d'accord pour 4 temps forts, très courageux. En préambule, la petite danse timide des pintades. Marius disposait sur scène un premier carton duquel elle sortait courageusement pour se rendre dans un second où elle se cachait. Un coquelet qui avait réglé ce jeu minutieux avait demandé qu'une pancarte apparaisse en même temps, demandant aux spectateurs qui le pouvaient de fermer les yeux afin de ne pas effrayer les pintades davantage. On craignait une crise cardiaque, tant l'affolement leur venait très vite dès qu'on les regardait. Le second moment était un mime. Il s'agissait pour les poules de montrer sans caqueter combien il leur était difficile de veiller pour ce spectacle alors même qu'elles tombaient de sommeil. Ce happening fut du plus grand effet. Les plus hardis des spectateurs y repérant, dans le fait d'aller au-delà de l'instinct de dormir à la tombée du jour, une avancée avançante. Au troisième numéro, tous les canards se promenaient par deux ou trois en remuant la queue. Et voulant montrer qu'il avait aussi des lettres, Marius demandait à tous de bien tendre l'oreille afin de constater que les canards parlaient anglais. Yes, il disait « Thank you very much, Monsieur Twenet » à chacun de leur passage. Oh, les voisins se déridaient, les oiseaux aussi. C'est toujours plaisant de chanter dans la clarté lunaire d'un jardin extraordinaire. Pour le final, c'était le tour des jeunes oies et des petits jars qui proposaient un ballet où chacun tournoyait puis quittait une ronde en ondulant ses ailes moelleuses et confortables. Pendant la mise en scène de ces salutations très distinguées, cérémonieusement, Marius clamait leur nom. Rebecca, Gladys, César, Palamède, Pulchérie. Ah, oh, ce spectacle était une réussite et c'est vrai, personne n'aurait souhaité qu'il s'arrête. Le voisinage s'y rencontrait, on discutait, c'était plaisant, c'était mondain, c'était charmant. D'ailleurs, la femme de Marius avait l'air d'apprécier. Les oiseaux aussi. Ils sentaient un regard respectueux se poser sur eux. On reconnaissait leur prouesse, mais au-delà de cette admiration, on les laissait vivre. Tout aurait été parfait. Si, un soir, au moment de la toute dernière partie, quand gracieusement le nom de Pulchérie fut prononcé, à ce moment, un spectateur ne s'était pas exclamé en se frappant la cuisse. Quand on mange le foie, on n'a pas besoin de connaître l'oie. C'est vrai, on s'en moque de leur nom. On est là pour passer un moment, pour consommer. c'est dit, s'étouffa la femme de Marius en battant des mains. Mais, malheureuse, dit son mari dépité, entends-tu ce que tu applaudis ? Le spectacle se termina dans une grande confusion. Certains riaient, quelques-uns avaient peur, d'autres encore pleuraient. Pour Marius, ce fut au point qu'une fois couché, il ne parvenait pas à dormir, ni encore moins à s'approcher de son épouse. Il ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme qui avait parlé si brutalement et qui avait fait rire sa Simone. Ce voisin avait ce qu'il nommait une production, c'est-à-dire un élevage, dont on ne voyait que le bâtiment en tôle et un immense entonnoir sur le côté. Ce gars ne parlait jamais des animaux, mais des clients. Ah oui, ça d'argent aussi, beaucoup. Il en parlait aussi d'emprunts et d'emmerdements et d'assurances et de techniques de gavage. Cette soirée avait un goût de scandale. Alors comme ça, les animaux n'auraient pas le droit à une individualité. Ils seraient une foule anonyme au service de l'appétit des humains. Non mais sans blague. Marius sortit de son lit et s'en alla trouver l'oie. Et tous deux se mirent une fois de plus à réfléchir devant la lune. Toujours à cette unique question qui concerne d'ailleurs tous les êtres vivants. Comment gagner du temps sur la mort ? L'oie fit remarquer que le mieux n'était pas de chercher une idée qui réglerait l'ensemble du problème. Non, ça on n'y arrive jamais, Marius. Elle proposa plus humblement l'idée de distribuer des friandises au moment du spectacle, afin de l'agrémenter encore, et toujours en somme, toujours seulement gagner un peu de temps. Un peu de temps sur la mort avec du divertissement. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès le lendemain, Marius, avec son éternel optimisme, cuisina des fruits secs, fabriqua des pâtes de fruits. Les animaux, eux, discutaient. Et ils se mirent d'accord pour reprendre le spectacle. Le spectacle fut sauvé. Au bout de quelques jours, les voisins étaient revenus. On fit la paix. Les oiseaux faisaient de leur mieux, même si l'anxiété les avait rendus bavards, surtout les poules, ce qui forcément nuisait à leur spectacle de mime. Mais avec les répétitions, il y eut de la bonne humeur. Ce n'était quand même pas mal. Et puis, il y eut pour tromper l'ennui que les humains ressentent si facilement les friandises de Marius. Des friandises et encore des friandises et encore des friandises. Un soir, un des spectateurs cria « Stop ! Je suis gavé !» Et quoi ? Et quoi ? Reprit l'oie qui tout à coup perdit patience. Et quoi ? Vous vous plaignez ? Qui a parlé de gavé ? C'est vous qui gavez notre foie ? Et quoi ? Et quoi ? Vous nous tuez à la fois ? Vous nous narguez ? Mais tu n'as rien compris, je parle juste des friandises. J'ai dit, on en a marre d'être gavé. Alors, Loua étendit ses ailes, poussa des hurlements de colère. Ce fut comme un appel. On entendit comme une pluie. C'étaient les coups portés sur la tôle du hangar du producteur. C'étaient ces animaux étouffés par la bouillie qu'on les force à avaler à l'entonnoir. Ils n'ont plus de cris, justement. Ils avaient l'espoir tout à coup. Mais assez, criaient les spectateurs. Oh là là, ces animaux sont bien difficiles, Simone. Simone, on vient chez vous pour se retrouver tranquillement entre amis. Et voilà que c'est une réunion politique. Mais foi d'humain, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais ce n'est rien tout ça. Ce n'est rien. Allez voir les entonnoirs. Ah, que c'est effrayant cette peur et ce désespoir. Allez voir. Ah, que c'est embêtant de voir à quoi sert un entonnoir. Ah, que c'est embêtant de voir à quoi sert un entonnoir. Oyez, oyez, les oies sont effrayées. Oyez, oyez, les canards sont tombés. Ah, que c'est embêtant de voir à quoi sert un entonnoir. Ah, que c'est embêtant de voir à quoi sert un entonnoir. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Arrêtez, les oiseaux. Pas pareil que quoi? De quel droit parlez-vous? D'ailleurs, vous n'êtes qu'une oie. Et vous, parler, ça vous distingue? Ça vous donne un droit absolu? Vous n'êtes plus un animal. Depuis ce jour mémorable, que s'est-il passé? Dans la basse-cour, Marius s'est aménagé sa propre cabane. Lorsqu'il retourne dans la maison, c'est pour essayer d'encourager son épouse, qu'il aime toujours. Il voudrait l'aider à ne pas manquer son existence. Lui n'a jamais été aussi conscient de la vie véritable que depuis qu'il la défend pour tous. Il aimerait qu'elle découvre ce plaisir aussi. Il rêve qu'un jour ensemble, ils trouveront le moyen de secourir tous les pauvres oiseaux qui se font gaver et torturer. Il y réfléchit, et ça oui, ce n'est pas la puissance qui lui manque. Dame, il a déjà donné la parole à une oie.